Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Le film de Bong Joon-ho, Parasite, est enfin sorti sur les écrans belges. On s'est dit qu'on allait faire une émission spéciale sur un film que certains d'entre nous portent dans leur cœur et qui s'appelle La Servante, un film de Kim Ki-young, un film coréen, sud-coréen de 1960, qui fut une grande source d'inspiration pour Bong Joon-ho et aussi pas mal d'autres cinéastes coréens de sa génération. Alors, le film La Servante de 1960, il a été très longtemps inédit en Europe. On a pu le découvrir en fait seulement en 2012 grâce à une restauration initiée par la World Cinema Foundation, l'initiative de notre bienfaiteur à tous, monsieur Martin Scorsese. Cette nouvelle copie s'est basée sur un négatif retrouvé en 82, mais auquel il manquait deux bobines. Et en fait, il y a une autre copie d'exploitation qui a été trouvée de La Servante avec des sous-titres en anglais peints à la main directement sur le négatif qui a été retrouvé en 1990. Grâce à cette copie, on a pu avoir une version quasiment complète, en tout cas on imagine, du film. Une version ressortie en salle et sur support physique par Carlotta il y a quelques années et donc toujours disponible. On ne sait pas grand-chose de l'auteur-réalisateur Kim Ki-young, sauf qu'il est né en 1919 à Séoul, qu'il y est également décédé dans un incendie en 1998. Il a d'abord été dentiste avant de commencer sa carrière artistique en participant à des projets théâtraux, puis finalement de se lancer en cinéma avec son épouse Kim Yoo-bong, qui sera sa productrice pendant toute sa carrière. La Servante est son 9e film et il réalisera 3 autres versions de ce même scénario, La Femme de Feu en 71, La Femme Insecte en 72 et La Femme de Feu 82 en 82. Le pitch, c'est quoi? Donc, cette histoire qui a été revisitée 4 fois par le même réalisateur, c'est l'histoire d'un homme, ici professeur de piano, qui est encouragé par son épouse à gravir l'escalier social. Et donc le faible patriarche décide de recourir au service d'une jeune et jolie servante. Celle-ci, poussée par des motifs opaques, avides ou sincères, on ne sait pas, on va en parler, va séduire son employeur et précipiter la chute d'une cellule familiale déjà pourrie par le mensonge et le matérialisme. Ce qu'on peut dire directement, peut-être qu'on peut parler du fait que le film est enserré entre un préambule et un épilogue, assez contradictoire avec le discours du film, il me semble, en tout cas à mon sens. Qui peut paraître un peu risible, hein, même en tout cas l'épilogue. Mais je pense volontairement, pour le coup. Oui, volontairement. En tant que spectateur, quand tu découvres le film, cet épilogue t'apparaît vraiment comme dans la fin de Body Snatcher de Don Siegel. Tu sens vraiment un ajout des producteurs, mais vu que tout ce que tu as traversé pendant le film, ça n'en met qu'en exergue la radicalité du discours que tu as eu auparavant. On peut peut-être vite fait reparler du contexte politique dans lequel a été fait le film. De 1953, c'est la fin de la guerre de Corée, jusqu'en 1961, c'est la prise de pouvoir par un coup d'état militaire du dictateur Park Chung-hee. Le climat politique en Corée est vachement instable. Le pays essaye de passer à la démocratie, mais c'est des essais, c'est un peu comme le Brexit, ils y arrivent un peu jamais. Et du coup, la corruption gangrène le pays. Et donc du coup, quand le dictateur militaire arrive au pouvoir, il dit « Ouais, c'est le régime corrompu, il y a une chute des valeurs en Corée, etc. » Et donc il impose une logique super protectionniste. Des conditions de travail très dures, notamment les travailleurs sont interdits de se regrouper en syndicats. Et surtout, ils prônent un retour à la sobriété et aux valeurs de la famille et de la tradition. La Servante, c'est donc un film qui est juste pré-dictature, qui est très ambivalent sur les valeurs qu'il véhicule, notamment la volonté d'ascension sociale, la notion de famille. Et il est encadré d'un prologue, d'un épilogue qui donne une lecture du film extrêmement en accord avec la politique de Park Chung-hee, soit l'exaltation de la valeur famille et l'encouragement à conserver une certaine modestie financière. Après, tu remets le film dans son contexte historique, mais c'est pas plus mal de le remettre, je connais très mal la filmographie du cinéaste, mais de le remettre dans son contexte, dans sa filmographie, puisque le mec, je crois, vient plutôt, le réalisateur Kim Ki-young vient plutôt du mélo réaliste, qui tourne pour des producteurs dont il commence à avoir un peu la préséance, toujours tourné en décor réel, etc. Et juste après ça, ils fondent sa propre maison de prod, et c'est là qu'il tourne ce film-là en décor artificiel, en studio, quoi. Avec un style aux antipodes de ce qu'il fait d'habitude. Ouais, parce que voilà, on peut peut-être parler maintenant plus directement du film. Le film se passe, à l'instar de Parasite, le film se passe à 80%, on va dire, dans un seul et unique décor qui est la maison familiale. Et on sent que c'est un décor fait pour le film. Et c'est un film qui a un style extrêmement expressionniste, qui va multiplier les allusions au fait que cette maison est une prison. Hein. Constamment, on a des plans à travers les fenêtres qui sont protégés de barreaux. Et même la servante elle-même va dresser une sorte de toile autour du personnage du patriarche. Elle va l'enserrer avec ses bras, avec ses pieds, avec ses doigts. Enfin voilà, il répète le motif de la prison tout au long de son film. Et pour faire le parallèle avec Parasite, c'est tous les deux films sont tout ranciers, et on a cité dans l'autre émission baroque, etc. pour Parasite, mais ici pour le coup, je trouve l'outrance beaucoup plus appuyée, beaucoup plus symboliquement marquée, un peu martelée, et notamment avec le motif musical, etc., qui revient énormément, qui assène, etc. Donc moi je trouve que c'est il y a des très belles choses dans le film, et en même temps il est assez épuisant. Moi, je suis d'accord pour dire que le film partage en effet une volonté outrancière avec Parasite, mais qu'il est ici peut-être un peu plus lourdin que ne l'est Parasite. Son exubérance formelle et thématique, son désir de mélanger les genres, l'érotisme qui est peut-être un peu moins présent dans Parasite, mais tout de même, la cruauté qu'il peut montrer envers ses personnages, son discours politique, social, etc. Tout ça est en commun, mais je trouve tout est moins appuyé dans Parasite. Ici, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lourd, qui prend beaucoup plus de place, quoi. Même plus platement ou plus prosaïquement, même ne fût-ce que la manière de jouer, hein, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus lourd ici que dans Parasite, je trouve. Là, tu parles aussi de codes de jeu d'une époque, etc. Et puis, je pense que justement, ce film-là, s'il a été aussi important pour toute une génération de cinéastes, c'est justement qu'il a ouvert des voies, ouvert une brèche, etc. C'est un film, justement, où tu vois tous ces parallèles de rupture de ton, cette outrance qu'il y a, cette liberté qu'il prend dans la narration d'adopter ça. Et moi, ça m'a fait penser, quand la première fois que j'ai découvert, à deux types de cinéma. Un cinéma qui est le cinéma plutôt de Palma, avec cette outrance, ce goût pour le vulgaire d'aller, ce côté satirique, d'aller de manière très violente, d'appuyer tout, d'avoir une mise en scène extrêmement baroque tout du long. Et un autre film auquel ça m'a fait penser, c'est la première réalisation officielle de Clint Eastwood, qui est Play Misty for Me, parce que tu as vraiment ce regard sur ce personnage masculin qui est quasiment presque prisonnier de sa condition masculine, de l'image qu'il renvoie dans la société coréenne. Et je trouve le film de Clint Eastwood joue aussi beaucoup de ce personnage d'animateur radio qui va se retrouver sous l'emprise d'une femme qui va littéralement le vampiriser et s'emporte de sortie. Et ces deux films, je trouve que tu peux mettre très fortement en parallèle. Et justement, je trouve que le film est assez subtil quand on le replace dans son époque, les années 60, d'avoir cette dialectique-là vis-à-vis du regard qu'il pose sur les personnages-là, où en fait chacun a ses raisons aussi. Il y a aussi, malgré tout, que ça soit dans cette famille qu'on pourrait qualifier de bourgeoise, mais grâce à une moyenne bourgeoisie, mais il y a pas de personnage encore aussi réellement repoussoir, peut-être à l'exception peut-être des enfants qui sont plus des personnages plus repoussoirs, qui véhiculent beaucoup plus l'aspect petit bourgeois de la famille. Mais voilà, le personnage de la servante, et tu peux comprendre aussi tout à fait pourquoi elle se comporte de cette manière-là, parce que ce que lui impose la famille à un moment d'une cruauté sans borne. Ouais, puis aussi, enfin, je dirais, c'est quand même un personnage qui essaye d'échapper à sa condition, enfin qui essaye de s'élever comme l'a fait la mère de famille, et c'est un peu le péché originel en tout cas de la mère de famille, c'est de vouloir avoir cette maison plus grande et donc d'avoir une télé, d'avoir un étage là pour le coup, mais la servante finalement ne veut que la même chose que ça. Et là où le personnage principal est extrêmement lâche, c'est que tu vas avoir, il va repousser les avances d'une fille qui est ouvrière, mais avec laquelle il bosse, donc qui pourrait éventuellement avoir un contre-pouvoir face à lui, mais il va par contre tout de suite derrière céder aux avances de sa servante, qui elle n'est moins encore qu'une ouvrière. Donc il va aller céder aux avances du personnage qui est le moins à même de le mettre en danger, quoi. C'est ça qui est intéressant. On parlait tout à l'heure de l'intelligence du film de faire croire dans son épilogue à une... un peu lourdement une histoire d'adultère, moralisatrice, alors que son sujet est clairement plus la jalousie poussant une jeune femme à détruire l'ascension sociale d'une famille de nouveaux riches, on pourrait dire, qui l'emploie, et par là même de parler, de traiter aussi un peu tous les personnages sous des angles différents, entre autres l'avidité et le désir de possession presque esclavagiste, qui va détruire toute humanité chez ce personnage, chez ce personnage masculin qui s'appelle Monsieur Kim, si on pouvait rajouter une référence de plus avec Parasite. Mais tu parlais tout à l'heure du personnage des enfants, le personnage du petit garçon. C'est comme s'il était né avec déjà cette espèce de supériorité bourgeoise comme ça. Et dans le film de Bong Joon-ho, on retrouve exactement la même caractéristique, quoi. C'est aussi un film dans Parasite et La Servante est aussi un film qui montre les différences de classe et comment la société ne fait que creuser quelque part les écarts entre les riches et les pauvres. Tout à l'heure, vous avez parlé du caractère extrêmement expressif du film et extrêmement peut-être outrancier du film comme peut-être une faiblesse. Moi, je trouve au contraire que c'est une de ses grandes qualités. J'ai l'impression que ce film, à la manière d'un film muet, juste à la force de la métaphore du haut et du bas, de tout ce qui se joue autour de l'escalier, tout ce qui se joue autour des costumes, le noir, le blanc des costumes, alternativement, est lisible. En fait, tous les rapports de force sont lisibles uniquement de manière visuelle dans le film. Et c'est dingue parce que, en fait, c'est un jeu de pouvoir, ce film. T'as la servante, puis t'as la mère de famille, puis la servante, la mère de famille. Et tu peux, même avant que tu vois la servante dans certaines scènes, en fonction de là où t'es au niveau émotionnel, ou en tout cas au niveau de ces jeux de pouvoir, tu sais quelle va être la couleur de son costume avant même de la voir. Enfin, moi, je trouve que c'est ça aussi une force du film. Et je trouve que, justement, cet effet très outrancier, cet effet très expressionniste, cette mise en scène comme ça, assez over the top, dirons-nous, eh bien c'est un truc que tu retrouves chez plein de cinéastes coréens. Enfin, avant que Park Chan-wook fasse Mademoiselle, on pouvait aussi l'accuser d'être dans ce genre de mise en scène, quoi, très expressive. Kim Ji-woon, c'est la même chose. Mais la lourdeur, pour moi, peut-être pas un problème, parce que plus que ce côté lourd dont on parlait tout à l'heure, c'est surtout que je trouve le film moins précis dans son propos que ne l'est Parasite. Je trouve plus unilatéral. Ici, si la richesse bouffe cette famille de l'intérieur, si l'argent bouffe cette famille de l'intérieur, c'est surtout la servante qui va dominer, d'abord en refusant de se soumettre à cette supériorité liée à leur richesse, et puis de manière sadique, vraiment à tisser une toile, comme tu disais très bien, et enfermer cette famille dans cette toile maléfique. Ouais, mais bon, en même temps, famille, elle la cherche aussi pas mal, hein, parce que il y a quand même ce truc de refuser, la servante, littéralement, n'a pas le droit de donner la vie, quoi. Ça va tant qu'on ne marche pas sur ce rapport servant-servi. Mais là, Kim Ki-young, pour moi, se pose plus du côté de la servante en filmant la revanche comme un juste. un juste retour des choses, là où chez Bong Joon-ho, c'est plus nuancé, je trouve. Oui, je pense pas avoir dit que c'était seulement, enfin, que l'expressionnisme ou que l'outrance n'était forcément négative, mais c'est que effectivement, elle est plus appuyée ici que chez Bong Joon-ho. Mais après, Manu l'a dit, c'est aussi par rapport à l'époque, etc. Et c'est juste. Mais moi, c'est marrant parce que tu citais De Palma, dans le côté du mal qui vient s'insérer dans un huis clos qui ronge, je pensais justement au début de Polanski, où à la différence qu'ici, le mal, il est très clair parce qu'il est humain, et justement, c'est là que le diable est le plus dangereux, c'est quand il est joli ou qu'il a les plus beaux apparats. Et tu parlais de liberté, Olivier, et je me disais, oui, c'est aussi ça qu'apporte la servante, le rôle de cette femme, c'est que elle vient aussi briser un peu les conventions, les choses. Elle est beaucoup plus libre et beaucoup plus libertaire quelque part que les normes coréennes. Et c'est en d'ailleurs, ça qu'elle elle sort par la fenêtre. Et c'est en ça qu'elle vient fissurer le film. Dans cette mise en scène extrêmement lyrique et baroque, il y a justement un effet de style très, très fort dans le film où régulièrement on se retrouve derrière la vitre et la caméra, on est presque dans du Fincher ou effectivement dans du chez Wells et dans Citizen Kane, où cette caméra n'a rien ne lui fait obstacle. Elle peut traverser la vitre, elle peut s'immiscer partout dans tous les recoins de la maison, et c'est ce côté aussi totalement c'est de cette manière là dont le cinéaste déconstruit tout ce qui est tangible dans la maison. Parce que plus le roi est nu à ce moment-là, quoi. Mais oui, mais c'est la caméra, mais aussi la servante elle-même, dans le sens où elle apparaît dans des reflets, dans des bouts de plan, vraiment comme des. Là, ce que je veux dire, c'est que le corps de la servante dans le plan est quasi aussi libre que la caméra. Et la caméra, pour continuer, est vraiment, moi j'avais noté, constamment intrusive. Et effectivement, elle part de dehors, souvent pour rentrer à l'intérieur. Et on est toujours mis dans une position de voyeur, de comme si on n'avait pas à être là, qu'on regardait par le trou d'une serrure limite. Il y a toujours quelque chose qui avance. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est le rôle de la. Parce que vous parliez des fenêtres, mais il y a la porte qui est très centrale, où souvent la famille se barricade, se protège. C'est aussi ce qui fait une distinction nette entre eux et la servante, entre les pauvres et les riches, etc. Et c'est vraiment le rôle de cette porte. Et dès que la servante franchit cette porte, elle transgresse un peu les limites. Puis c'est des mouvements de caméra qui sont en général assez rapides en plus, avec parfois des angles impossibles, etc. On a presque l'impression que chaque plan semble vouloir écraser ou même percuter les personnages. Il y a un côté presque assez brusquant à ce niveau-là. Il y a un aspect très coup de poing. Hein. T'as l'impression de te prendre un percute à chaque plan. Hein. Il y a un côté extrêmement. Mais ce qui joue dans le dynamisme très fort du film. D'ailleurs, toutes les scènes qui sont pas dans la maison, les moments où la jeune fille qui prend les sons de piano marche dans la rue, ça va très très vite avec des travelling avant comme ça. Tout ce qui se passe aussi autour de l'enterrement de la première jeune fille, c'est raconté de manière extrêmement rapide. C'est comme si, moi en tout cas, l'impression que ça me donne, c'est j'ai l'impression qu'il y a des photogrammes qui manquent et qui n'ont pas été sauvés. C'est extrêmement rapide. L'enterrement, c'est deux plans, le train qui avance, la terre qui tombe et c'est parti, quoi. Et justement, dans l'enterrement, il y a quelque chose qui peut-être lie le film de Bong Joon-ho et la servante. C'est justement dans cet aspect de fable, de conte, et dans la manière dont il utilise justement des artifices du cinéma et tous les éléments en fait, qui vont être la pluie, les éclairs, etc., qui vont ponctuer énormément le film de la servante, puisqu'on va régulièrement avoir cette maison qu'on va quasiment connaître que sous l'eau, et la manière dont Bong Joon-ho utilise ces mêmes éléments pour appuyer cette dimension un petit peu atemporelle de son récit. Bah, de toute façon, dans les deux films, le point de non-retour, il y a un orage avec, dans le film de la servante, littéralement un arbre devant la maison qui se fait fissurer par la foudre, et toute la scène où dans Parasite, où les pauvres vont être chassés quelque part de la maison des riches, c'est aussi autour d'un orage, quoi. Et c'est drôle parce que là où dans Parasite, là c'est vraiment un orage et un événement catastrophique, ici je trouve que la pluie, elle confère aussi au film une sorte de sensualité parfois dans le rôle qu'a la servante. Enfin, voilà, c'est aussi lorsqu'il y a la transgression et donc l'adultère, là, c'est sous la pluie, c'est la servante regarde la pluie tomber, il y a ces inserts de mains sur la poitrine, de pieds sur les pieds, etc., qui sont assez jolis. J'ai l'impression que ça appuie la sensualité du film. Ah bah, le côté thriller érotique du film fonctionne à plein régime, hein, je veux dire, en termes de mise en scène, il y a cet aspect-là, et pour le coup, je trouve, n'a pas du tout vieilli. Oui. Selon vous, est-ce que la servante, elle est un peu amoureuse du gars, ou elle fait ça juste par pure volonté d'élévation sociale? Parce que moi, je me demande si la jeune fille qui prend les cours de piano, je crois qu'elle est vraiment un peu amoureuse du professeur. Ouais, la jeune fille, je crois aussi. Et ce personnage, même s'il n'est pas. Si c'est phase vide du récit, il est important parce qu'il donne, il donne un peu une cartographie complète de l'immondice que sont tous ces gens. En fait, des immondices que sont tous ces gens. Dans le sens où l'horreur vient un peu de tous les niveaux, que ça, les enfants y compris, de ce personnage-là, de la mère, de la servante, enfin vraiment, chaque personnage a sa part de mal. Complètement. Mais d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, Manu, le petit garçon, c'est vraiment une horreur. Et d'ailleurs, il se fout de la gueule de sa sœur qui est handicapée, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, quand ça va nous permettre de nouveau cette mise en scène complètement incroyablement expressive, qui fait que quand le gosse va mourir, ça va être traité comme un non-événement, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Et deux secondes après, la scène est complètement dingue, quoi. Le gamin meurt et la fille voit que son père est obligé d'aller coucher avec la servante qui vient de tuer son gosse. C'est assez cruel. Mais tu parles juste une petite parenthèse. Je trouve ça assez marquant. Tu parles du handicap de la fille. Ses parents disent quand même à un moment, je l'ai noté, que c'est par manque de volonté. Oui, tout à fait. Ils sont horribles assis avec ça. Ils sont atroces. Dans ça, je trouve que tu retrouves un aspect burlesque que tu peux avoir chez Bong Joon-ho, de jamais trop savoir sur quel registre tu dois te situer, parce qu'à un moment, tu peux être limite dans quelque chose de drôle. C'est tellement outrancier, et à la fois, c'est d'une noirceur absolue. Et donc, ce point de bascule, tu sais jamais réellement sur quel pied danser, et c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans la filmographie de Bong Joon-ho. Ouais, et puis aussi autre chose qu'on retrouve très clairement, qui est très clairement commun aux deux films, c'est encore une fois son rapport à aux espaces posés les uns sur les autres et à l'escalier central dans les deux maisons qui sont vraiment presque... Dans Parasite, le motif de l'escalier est décuplé, quoi. Mais là, t'as vraiment cet escalier central autour duquel tous les, tout les rapports passe, vont... En fait, tout, soit tous tu les chutes, rapports. Soit tu le montes. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça va jusqu'à l'homme qui habite les beaux appartements en bas, alors que les deux femmes cherchent toujours à gravir les escaliers, à se battre durant ça. Et comme tu dis, c'est où on grimpe, où on dégringole. Julien ? Oui, je voudrais juste revenir sur la figure totale du mal qu'elle symbolise, dans le sens où il y a tout un jeu avec le rat, où la famille a peur des rats dans les placards, la femme a peur des rats, etc. Et puis, une fois que la servante arrive, elle tue le rat en deux secondes. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il y a le montage qui fait, on voit le rat qui agonise dans l'assiette, avec une musique très frénétique, et puis la femme qui se réveille d'un cauchemar. Voilà, moi j'y lis vraiment justement quand je disais qu'elle vient bousculer tout, c'est que voilà, dans son courage, dans sa liberté, comment elle prend le rat en charge, comment elle prend tout en charge, elle bouscule clairement le quotidien de la famille. C'est vraiment le cauchemar de la femme au foyer, en fait, qui est bousculée par la sauvageonne qui arrive. Et tu dis que c'est un personnage complètement négatif, moi je suis pas d'accord avec ça. Hein. Non, pas négatif, mais c'est quand même une incarnation du mal, quelque part. Non, justement, du mal dans sa sexualité. Ça pourrait être ça, juste l'élément étranger qui vient parasiter la famille, mais en lui créant ce background, et entre guillemets, cette histoire avec le mari et le fait qu'on l'oblige d'avorter, désolé du spoil, ben ça crée tout d'un coup un point de bascule très fort au sein du récit qui fait qu'elle n'est pas juste cet élément parasite. Tout d'un coup, c'est on lui impose quelque chose au sein du récit, et c'est parce qu'on lui impose ça que tout d'un coup il n'y aura plus de point de retour pour tous les personnages. Moi je dis quel est le mal par rapport au fait qu'elle donne un tremblement de terre à cette maison, mais elle n'est pas. Mais elle est là aussi pour révéler la lâcheté de tous les autres. Et pour moi, cette idée d'avortement, c'est ce que reprend Bong Joon-ho dans l'idée de l'odeur. C'est qu'à un moment, il y a une ligne qui est franchie, qui fait que la violence va se déchaîner, quoi. Il y a un truc qui est génial, je reviens à Parasite, mais il y a un truc qui est génial dans Parasite de Bong Joon-ho, c'est que justement, cette ligne franchie, t'as le personnage de Park qui passe toute sa vie à dire « Ouais, c'est bien mon chauffeur, monsieur Kim, il passe jamais la limite, il passe jamais la limite, il passe jamais la limite. » Et c'est quand, justement, Park va franchir la limite dans l'autre sens sans s'en rendre compte que tout va partir en couille. Ça, c'est génial. C'est très, très joliment souligné par la mise en scène, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est un film qui a un intérêt, outre son intérêt formel et thématique, un intérêt véritablement historique, parce que comme tu le disais en début d'émission, il a vraiment nourri ce qui se fait de mieux dans le cinéma mondial actuellement. Bah, en tout cas, toute la nouvelle vague coréenne dont on voit les films depuis... milieu des années 90 et qui a été couronné enfin avec la Palme d'Or en mai dernier. Quoi. Et voilà, et si on veut comprendre ce cinéma-là, il faut absolument voir The Servant. La Servant. La Servant. Moi aussi, The Servant, c'est un autre film dont on parlera peut-être une autre fois. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous encourage très fortement à aller voir Parasite et à vous procurer le film La Servante de Kim Ki-young. Merci messieurs, merci Lucien, merci Julien, merci Manu d'avoir été là. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir.